Ouais, je digue bien ou quoi? Ouais, je bug, ado. Ouais, ma mère pète les plombs en ce moment, j'ai trop de soucis. Je cherche pas de taf, quoi, je fais rien pour, et je comprends pas, quoi. Parce que beaucoup ne vont pas l'entendre, parce que trop curieux aimerait comprendre, parce que c'est pour mes parents, parce que mon cœur en a marre dans des bandes, parce que je finirai un jour ensemble, parce que j'ai fait trop mal et il faut que je descende, parce que il faut se remettre en question, parce que mon père m'a donné la réflexion, parce que sur cette chanson je n'ai pas voulu être en adoration, parce qu'encore moins être en admiration, parce que vous ne connaissez pas la suite, parce que sur ce morceau je recherche l'eau bénite, parce que mon parcours n'est pas une réussite, parce que je suis chez mes parents et ils résistent, parce que sous ce morceau j'ai voulu être réaliste, parce que j'ai mal et il fallait que j'en parle, parce que j'ai une sale image et j'ai la rage, parce que je ne fais rien pour et je ne rends pas hommage, parce que j'ai eu, parce que j'ai reçu, parce que je sais que beaucoup sont déçus, parce que je ne cherche pas de travail, parce que j'ai un enfant et c'est pas normal, et c'est pas normal, et c'est pas normal.